Zemmour ici à la Forale. Puisque ton bouquin traite, bien que je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu les critiques des dysfonctionnements de, on va dire, du politique et des médias dans les affaires intercommunautaires, je voulais savoir comment il réagissait au fait qu'un militant sioniste ait pu poignarder dans une manif un commissaire de police sans qu'on en ait jamais entendu parler et même sans qu'il n'y ait jamais eu de suite, alors que c'est une affaire très grave. Voilà, et d'ailleurs de poser la question de qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un écrivait un bouquin là-dessus et est-ce qu'il pourrait en parler calmement et aisément chez Ruquier. Je voulais, dans la même ordre d'idée et qui me touche plus précisément, je voulais lui demander comment il expliquait que notamment la Ligue de défense juive puisse ratonner un écrivain dans une librairie, laisser cette personne revendiquer l'agression sur Internet sans qu'il n'y ait jamais aucune suite, ni enquête, ni police, ni quoi que ce soit. Sachant que la LDJ est interdite en Israël et aux États-Unis et à Pignon sur rue en France, comme on l'a déjà vu dans les documentaires sur la 2. Et dernière question, pense-t-il sérieusement que les juifs en tant que communauté organisée soient discriminés en France? Et peut-il me trouver un exemple dans l'histoire d'une communauté organisée qui soit à la fois plus puissante et plus heureuse, je dirais, que la communauté juive aujourd'hui en France. Voilà. C'est tout. Hein. Et puis sinon, bonne chance à Eric pour son livre et surtout d'ailleurs pour ce qu'il fait là, pour ce qu'il fait par ses interventions télé, là, parce que en général, il lutte efficacement contre le politiquement correct, ce qui est pas mal, quoi. Ce qui me va. Merci, si j'ai la bénédiction d'Alain Soral, tout va bien. Écoutez, il y a des tas de questions là-dedans. Il y en a trois. D'abord, on s'éloigne un peu du livre. Le comportement de la Ligue de défense juive à son égard est proprement scandaleux. C'est évident. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le fait qu'elle existe sur le territoire français, vous qui vous dites républicain, je ne connais pas ces gens, donc je ne les connais pas. Donc, par exemple, le ministère de l'Intérieur leur prête ses locaux pour leur entraînement, par exemple. Non, c'est possible, j'en sais rien. Ouais. Honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas d'information. Je ne les connais pas. D'accord. Donc, honnêtement, je peux pas vous dire. Je vous sens un petit peu comme, même si vous le saviez, vous avez pas envie d'en parler. Non, je ne sais pas. Non, je connais vraiment. Pas. Je suis étonné de votre part, quand même. Bah, vous avez tort. Parce que nous, on est des débutants à côté de vous. Non, non, mais vous savez, moi, je pratique pas. Je les connais pas, donc j'ai vu qu'effectivement ils harcelaient Soral. Je vous dis, c'est scandaleux. Voilà, vous savez, je connais pas, donc je parle pas des jugements. On revient à sa première question. La première question, le commissaire de police, qui aussi, qu'il écrive lui un roman là-dessus. Rien ne l'empêche. Moi, si c'est vrai, si c'est évidemment, c'est un crime, il doit être puni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des questions à laquelle j'ai des réponses difficiles parce que qui a envie d'écrire. Dessus. Non, j'ai pas travaillé dessus. Je connais pas cette histoire. Voilà, si c'est vrai, si c'est vrai, très bien. S'il a envie d'écrire un livre là-dessus, très bien. S'il trouve ça emblématique de l'époque, très bien, qu'il le fasse. On va dire que dans votre analyse, dans l'analyse que vous menez, justement sur la France, l'identitaire communautaire, à votre avis, comment s'est reçu un tel livre? Mais je pense qu'il y aurait dû y aurait. Parce que le vôtre n'est pas bien reçu, mais vous êtes quand même reçu sur France 2, sur France 5, à deux reprises. Oui, non, mais moi je suis. Sur France Inter, enfin je pas besoin de faire la liste, je crois que tout le monde est d'accord. Voilà. Non, mais je suis reçu, mais le livre fait scandale, je suis parfois insulté. Oui. Moi je pense que ça serait la même chose, il serait aussi, il ferait scandale, je ne sais pas. Et vous pensez qu'il serait reçu? Parler pour les autres, c'est difficile. Oui, il dit ça, lui, je sais, lui, il pense qu'il est ostracisé, c'est possible. Je n'en sais rien. Alors, pour aller plus loin, en fait, vous convoquez une époque, dites-vous, dans le roman, donc dans cette convocation, on est dans la République qui se désintègre, et on vous a entendu, notamment en parlant de Villiers-le-Bel, que pour la première fois, vous avez fait cette remarque très juste, on prenait des armes à feu sur les policiers. Bon, il se trouve que c'est vrai, il n'y a pas de débat, c'est du factuel, mais ce que disait Soral, c'est que on aimerait bien qu'il y ait aussi des chroniques cœur aussi médiatisé que vous qui disent la même chose sur cette République qui se désintègre, et cette fois avec des communautés juives. Enfin, c'est ce que j'ai la brochure. Il n'y a pas la LDH dans votre... Non, parce que c'est pas le thème du livre. LDH, c'est pas le thème du livre. Vous n'allez pas me faire parler d'autre chose. Non. Mais ce que vous avez dit, vous ne connaissiez pas. Je ne connais pas. Mais en plus, vraiment, je ne connais pas, je vous assure. J'ai entendu parler. Je veux dire, quand je dis je ne connais pas, je ne connais pas précisément. Vous avez compris. Et ça vous intéresse ou pas? Mais si vous voulez... Non, c'est juste je raconte un sujet qu'on en parle jamais. C'est un sujet compris. Dans les médias. Voilà, j'ai compris. Vrai. Mais vous avez lu, si vous m'avez bien lu, vous racontez, je vois, vous montrez, vous voyez bien que je raconte la, si vous voulez, la désintégration de cette communauté juive aussi, la défrancisation, qu'elle touche tout, et donc évidemment qu'à partir du moment où on vit dans un univers sioniste, évidemment, on vit dans un autre univers que l'univers français. Et donc il y a des têtes brûlées qui vont aller au bout de cette logique-là. Et qui vont vivre complètement leur film sioniste et qui vont se croire dans les territoires occupés. Mais c'est exactement ce que je raconte dans le livre, sauf que je raconte pas ça. Mais vous racontez le problème de l'antiracisme, mais pas de l'anti-antisémitisme. Voilà, exactement. Mais qui pourtant relève du même principe. Vous écoutez. Mais exactement, c'est la même logique. Mais moi, j'interdis à personne d'écrire des livres là-dessus. Moi, j'ai pas choisi ce thème-là. J'ai le droit de choisir mes thèmes à moi.